tête lourde de nuit, il fallait réavaler le jour. Mettre la face vile sur l'ennui pour que la vie soit de retour. Le repos pouvait durer des heures, il n'était pas plus qu'une virgule. On y accrochait notre labeur, réavalant des glaires de crépuscule. Lorsque l'orange fut pressée, on s'étonna d'un jus si noir. Certains disaient l'ange suramé, voyons ce qui n'est pas à voir.